Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. C'était la 12e édition des régates de Saint-Félicien qui s'est terminée hier à Saint-Félicien. Et c'est un jeune de 24 ans, Brandon Kennedy, qui a remporté la victoire dans la grande catégorie. En fait, c'est la catégorie Grand Prix. À noter que la deuxième position est allée à l'Américain Burt Anderson. On sait qu'Anderson avait remporté les éditions de 2015 et 2016. Et noté la troisième position de Tom Thompson. Dans la maintenant, dans la classe Citroën 500, Jimmy King a remporté la victoire. En fait, King a profité de la disqualification de Patrick Hayward, qui lui a déjà été disqualifié pendant la course, et ça a donné une deuxième position à Rémi Leblanc. Et la troisième place est allée à Donnie Allen. Dans la catégorie F2500, un gain de Douglas Rapp. La deuxième position est allée à Yann Beaupré. Et le troisième rang est allé à Tyler Kadaz. Maintenant, à noter que dans la dernière catégorie, c'est-à-dire le 2.5 litres, un gain de Grant Earn. Frédéric Couturier a pris la deuxième position et Kevin Smith la troisième place. En fin de semaine également, il y avait un tournoi de curling Saint-Prime d'Olbeau-Mistassini. C'était samedi sur les allées du club de golf de Saint-Prime et dimanche hier, c'était sur les allées du club de golf de Dolbeau. Et d'abord, à noter que dans la classe A, gain de l'équipe de Rémi Kirkness, Nine Sauvageau, Bernard Thibault et Lionel Roy. Deuxième position dans la classe A pour Gilles Larouche, Gilles Malouin, Richard Ouellette et Caroline Fortin. Et dans la classe B, l'équipe de Gior Junot, Gaston Simard, Jemma Kirkness et Marc Gill ont ramené une carte de moins 17 pour remporter la victoire. Et au soccer en division 2, hier, Vaticano de 3-3 entre Saint-Amboise et le FC de Saint-Félicien. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.